Sur cette route à double sens, la ligne mixte autorise les dépassements dans mon sens de circulation et met fin aux dépassements des usagers arrivant en face. C'est ce qu'indiquent ces flèches de rabattement. Je suis dans une descente qui se termine dans un virage, mais qui offre une très bonne visibilité. Personne n'est sur le point de me dépasser. Je peux commencer le dépassement immédiatement. Réponse